identité, qui assume son caractère de relation, qui n'est ni immuable et tautologique, ni un vertige du changement, mais une véritable relation qui passe par l'altérité. Ricoeur disait même soi-même comme un autre. C'est facile à dire, mais être soi-même pour un être humain, ça n'est pas un donné logique, ça n'est pas non plus un vertige et un abîme qui amènerait à nous raccrocher à des identités essentielles, d'où les problèmes de la politique identitaire. C'est plutôt une relation toujours à reprendre, qui passe par autrui, mais qui aussi nous constitue chacun nous-mêmes.